Donc, la SIC de Savecom, société coopérative d'intérêt collectif créée en 2012 dans la Meuse, à Commercy, qui propose de créer une sorte de nouveau métier, en quelque sorte, qui est écrit ici. Son cœur d'activité, c'est assurer l'ingénierie, donc c'est de la maîtrise d'œuvre, et la direction globale des travaux de rénovation thermique, en proposant une garantie de résultats, à la fois durable et mesurable, tout en améliorant évidemment l'efficacité énergétique, mais aussi le confort, la qualité de vie, et par exemple une attention particulière est portée sur la question de la qualité de l'air intérieur. L'activité se présente comme telle, c'est-à-dire que l'intervention se fait, donc c'est le public visé, c'est la maison individuelle, se fait en commençant par un audit thermique assez approfondi. Ensuite, des préconisations de travaux et puis le montage du projet. Ensuite, une consultation avec un appel d'offres qui est lancé à destination des entreprises du territoire qui doivent obligatoirement répondre sous forme de groupement. Et donc d'ailleurs, elles sont accompagnées pour se grouper. Ensuite, assurer le traitement administratif et financier des projets. Pendant la réalisation des travaux, assurer la maîtrise d'œuvre, assurer les tests et les mesures pendant les travaux et a posteriori, et enfin assurer donc le suivi a posteriori par la mise en place d'un dispositif de suivi de la température, de la qualité de l'air, etc., pendant 3 ans, de telle sorte que l'ensemble puisse permettre d'offrir une garantie de résultat sur 3 ans donc. Qui permet de s'assurer que les économies d'énergie, et ceci en monnaie sonnante et trébuchante, sont bien atteintes. Alors la philosophie, donc c'est l'approche est vraiment comme un intervenant de la confiance, donc une confiance qui peut éventuellement se décliner en 10 points avec un principe qui est de chercher à endiguer durablement la précarité énergétique. L'approche technique, c'est traiter l'enveloppe des bâtiments avant les systèmes de production, donc l'efficacité énergétique passive avant de toucher au système énergétique de type chauffage. Travailler d'abord sur l'étanchéité à l'air et puis s'assurer de la ventilation pour assurer une bonne qualité de l'air. Ensuite, garantir, mesurer et rendre accessibles les résultats qui sont promis, donc avec du monitoring et des capteurs à l'issue des travaux. Adopter des solutions respectueuses du bâti et de l'environnement. Combiner indissociablement les économies d'énergie, qualité sanitaire et qualité de vie, protéger les intérêts de toutes les parties d'un projet. On reviendra dessus, mais la gouvernance est composée de 6 collèges, incluant les parties prenantes du territoire. Privilégier les investissements porteurs d'amélioration durable du pouvoir d'achat. On va y revenir un peu après. Privilégier, développer les ressources locales, notamment l'intervention d'entreprises locales. Et enfin, être soucieux de la bonne utilisation des fonds publics. Jacques, vous intervenez s'il y a besoin de compléter. Laisser aller jusqu'au bout et puis je rajouterai quelque chose, voilà. D'accord. Donc, continuons. L'habitat type en Meuse, ce sont des maisons individuelles aux alentours de 100 mètres carrés, souvent un peu plus, qui sont pour beaucoup d'entre elles construites avant 1974, donc la première réglementation thermique, et qui présentent un besoin de chauffage qui est supérieur à 30 000 kWh par an. Cette description équivaut à peu près à 70% de l'habitat meusien. Donc, ça fait une grande ressource dans laquelle piocher pour intervenir pour la SIC de Savecom. Donc, les cas qui présentent ces caractéristiques peuvent faire l'objet d'une intervention de la SIC, puisque en fait, ça repose notamment sur le niveau de consommation au départ, avec des factures de chauffage qui sont supérieures par an à 3 000 euros par an. Un coût minimum qui est anticipé d'à peu près, si on prend une croissance de 3% par an, qui serait à 4 000 euros d'ici 10 ans, et donc un surcoût important de chauffage par rapport à ce qui pourrait être fait, et puis un impact potentiel sur la dépréciation du patrimoine, puisque notamment en marché détendu, on a vraiment un impact, enfin, on pourra en reparler plus tard si vous voulez, de la performance énergétique sur la valorisation patrimoniale. On commence à l'identifier, on commence à le voir, et donc cette question-là se pose plus particulièrement dans la Meuse. Le type d'intervention, voilà un cas un peu symbolique, donc une intervention qui se fait sur tous les aspects du bâti, isolation, ouvrant, ventilation, étanchéité, chauffage, pour atteindre des niveaux de performance bâtiment basse consommation, donc de l'ordre de l'ordre de 80 kWh par mètre carré et par an. Alors, le coût moyen d'un chantier à ce stade, c'est de l'ordre de 60 000 euros, incluant des travaux induits, avec un besoin de chauffage qui est inférieur après rénovation à 8 000 kWh par an, et donc pour un coût annuel inférieur à 300, non, 800 euros par an, et donc une anticipation d'augmentation à l'ordre de 1 000 euros d'ici 10 ans. Et puis une protection de la valorisation patrimoniale correspondant à ce qui était cité précédemment, c'est-à-dire à peu près 30%, et des économies minimales qui sont garanties en argent de 2 000 euros par an. Alors, comment est-ce que le montage est fait à ce jour? Donc, un chantier à peu près à 60 000 euros, des subventions qui sont aux alentours de 50%, suivant les cas, mais grosso modo, c'est ça. Et puis, le complément des 30 000 euros restants avec l'utilisation de l'éco-prêt à taux zéro, qui couvre 30 000 euros sur 15 ans, et ce qui permet d'avoir des annualités d'emprunt de l'ordre de 2 000 euros par an, c'est-à-dire l'équivalent des économies d'énergie qui sont proposées dans ce modèle-là. Et donc là, on arrive à un logement qui est rénové, avec une stabilisation de l'impact pour le propriétaire ou le locataire, enfin, c'est surtout des propriétaires. Donc le principe, c'est un équilibrage qui est garanti entre les réductions de consommation et puis enfin les réductions de facture et puis l'emprunt annualisé, avec une rentabilité qu'on peut calculer de différentes manières avec ou sans subvention, même si la rentabilité à l'échelle des particuliers est rarement un argument pour engager les travaux. Pour le territoire, évidemment, c'est un emploi environ pour un chantier avec à peu près 60 000 euros par chantier. Alors, sur la conclusion, ce qui est particulièrement intéressant dans cette approche, c'est l'engagement en termes de ce qu'ils appellent la gestion de la complexité. Savicom se définit comme des professionnels de la gestion d'un système complexe, en quelque sorte, puisque il y a toutes les interfaces qui sont gérées. Enfin, la Savicom constitue la seule interface pour le particulier et gère tout le reste, et notamment les enjeux administratifs et financiers au-delà de la proposition autour de la maîtrise d'œuvre, de la conception, maîtrise d'œuvre, suivi et garantie de performance. C'est une approche par de type tiers de confiance qui cherche à mettre autour de la table toutes les parties, à faire converger les intérêts et qui ainsi cherche à faire effet levier pour que la transition énergétique avec des rénovations de ce type puisse s'amorcer. Là, il n'y a pas de notion à ce stade qui a été évoquée d'amorçage, mais je pense que Jacques Fèvre en dira un mot par la suite. Jacques, vous voulez compléter? Vous m'entendez bien parce que de temps en temps, moi, ça coupait, hein, donc j'ai pas capté la fin, notamment. Ce qui est important de voir dans on peut dire le modèle ou la démarche qu'on a effectuée. C'est que comment tout est parti, si vous voulez, d'une révélation que j'ai pu avoir en allant dans leur albergue et en étudiant pourquoi ces gens-là étaient capables de rénover en passif, quelles étaient les conditions. Donc le problème, j'ai réalisé que le problème n'était pas technique, même si techniquement ils ont mis des choses au point, mais c'était essentiellement le produit d'une collaboration entre tous les acteurs, hein, que ce soit les clients, les artisans, les financiers, les collectivités locales, les assureurs, les gestionnaires de subventions, voire les industriels. Donc, grosso modo, un projet de rénovation thermique, s'il ne tient pas compte de la problématique de tous les acteurs, il a du mal à fonctionner. Et c'est un petit peu ça qui nous a amené d'ailleurs à constituer une société coopérative d'intérêt collectif qui avait la capacité juridique de recevoir des personnes morales, des personnes privées et personne publique. Effectivement, quand tout le monde est autour de la table, on voit mieux les problèmes qui vont se poser entre les différentes personnes. Les clients, quand on voit un petit peu les attentes de chacun, les clients, ils attendent des résultats tangibles et mesurables. C'est du style, ben d'accord, il y a des aides, mais il faut quand même que je rembourse des emprunts. Et est-ce que je vais avoir les résultats qu'on me promet? D'où cette notion de garantie de résultat qui s'est assez vite imposée à nous. Autre chose, ils veulent pouvoir garantir leur pouvoir d'achat. Il ne s'agit pas qu'en investissant dans l'isolation et sans visibilité, ben voilà, à la fin, on n'y arrive plus, et notamment quand on commence à toucher les populations modestes, celles qui sont le plus atteintes par la précarité énergétique, eh bien, ces gens-là, ils ont quand même le souci de pouvoir boucler la fin de mois et de ne pas être pénalisés par l'investissement qui serait hasardeux. La notion de retour sur investissement, elle n'intervient pas chez les propriétaires occupants, par contre, on la retrouve chez les bailleurs privés, qui ont le souci d'équilibrer effectivement leur investissement et puis les loyers qu'ils vont pouvoir recevoir et la rentabilité qu'ils vont retirer de l'opération. Et puis, toutes ces personnes ont conscience de la complexité des projets, qu'elles soient techniques, financières ou administratives, et être accompagnées de ce qu'on fait dans ça, c'est vraiment important. C'est important pour les... C'est des leviers importants pour décider, pour amener les clients à décider. Les artisans, eux, eh bien, souvent on dit petit artisan, petit boulot. Quand il faut commencer à prendre un chantier global, dans sa globalité, et que plusieurs artisans collaborent, ils ont souvent le sentiment de ne pas savoir travailler ensemble et ils sont demandeurs pour le faire. Et donc, ils ont besoin, quelque part, d'un coordinateur qui permette de faire ça. Ça, c'est le plus qu'on va apporter en assurant une maîtrise d'œuvre. Deuxième chose, ils veulent pouvoir planifier leurs travaux. Ça, Dieu sait si c'est pas facile, notamment avec les systèmes d'attribution d'aide ou de prêt, qui sont extrêmement aléatoires et surtout pas vraiment maîtrisés, en tout cas chez nous. Et surtout, ils veulent être payés en temps et en heure. Et là, c'est un vrai problème parce que quand les aides pèsent lourd dans un chantier, hein, je disais 50%, mais nous, on a des chantiers qui sont financés, subventionnés jusqu'à 83%, ce qui me paraît complètement excessif, mais en tout cas, c'est comme ça. Toujours est-il que quand des subventions représentent ce montant, eh bien, imaginez quand les travaux sont faits, ils demandent 2 à 3 mois et qu'ils sont payés à la fin. Comment les entreprises peuvent assurer leur trésorerie et généralement, ils en arrivent aujourd'hui quand il y a des délais pareils, on observait des délais qui vont jusqu'à plus de 8 mois, hein, surtout quand les caisses de l'année sont vides et qu'effectivement, il faut attendre un supplément qui arrive généralement l'année suivante, quand ça intervient généralement en septembre, ce genre de situation. Donc effectivement, ben, on a des artisans qui disent, nous on voudrait bien, mais là, dans ces conditions, on peut pas. Ce qui fait que ça nous a amené d'ailleurs à parler de préfinancement et à dimensionner un fonds de préfinancement qui permette qui tienne compte justement de ces délais, de façon à pouvoir payer les gens en temps et en heure. Les financiers, eux, leur problème, surtout dans le cadre de prêt, qui est aussi un cauchemar pour les banquiers, hein, même s'ils sont rémunérés à hauteur de 2,6, 2,7, hein, je crois, en crédit d'impôt, mais ils peuvent aussi se refuser parce que le dossier est mal instruit et comme ils ne sont pas techniciens, ça les perturbe fortement et donc ils peuvent être réticents à délivrer des prêts à taux zéro sur des dossiers mal faits ou avec le moindre risque. Dès l'instant où ils peuvent compter sur un tiers de confiance et ce qu'on leur a offert en faisant les dossiers, je crois qu'on a fait là maintenant puisqu'on sous-traitait pour EDF, on a fait plus de 500 dossiers d'éco-prêts, donc on a pu mesurer un petit peu toute la complexité et acquérir effectivement une compétence. Eh bien, les banques sont rassurées et accordent beaucoup plus facilement les emprunts aux personnes. Et puis, c'est deux choses également. Quand on leur dit qu'on garantit les résultats, ça les rassure également, dans la mesure où quand on a des personnes qui sont vraiment aux limites du taux de surendettement, par exemple, eh bien, on leur donne un petit peu la garantie qu'on ne va pas rogner leur pouvoir d'achat et pas risquer de provoquer d'incidents en termes de remboursement. Donc, c'est des éléments importants. Il faut avoir tous ces gens-là en face pour pouvoir être conscients et trouver des solutions. Bon, les agences immobilières, eux, ils veulent également trouver des solutions pour mieux vendre et mieux louer. Et la rénovation, la dimension énergétique est maintenant capitale. Donc, c'est des éléments qui comptent beaucoup. Les collectivités locales, bien, eux, ils aiment bien que, effectivement, leurs concitoyens ne soient pas exposés à une précarité énergétique. Ils se battent également, alors là, je parle contre l'habitat indigne, contre les désertifications de centre-ville avec des immeubles qui ne sont plus habitables parce que excessivement énergivores, donc plus personne ne peut se chauffer correctement. J'aimerais bien que la mise en œuvre, disons, d'une économie de la transition énergétique s'accompagne de création d'emplois. Et évidemment, ça contribue à maintenir la population et à gérer notre activité. Donc ça, c'est les soucis des collectivités locales auxquels on est sensible, puisqu'ils font effectivement prime autour de table. Et puis, en ce qui concerne les assureurs, on n'en parle pas souvent, mais quand on est maître d'œuvre, on sait qu'on a une décennale à assumer. Cette décennale, donc, qui coûte quand même un certain prix, je veux dire, elle inquiète les assureurs en disant, ok, mais qu'on voit, et notamment c'est en France qu'on entend ça, c'est des travaux d'économie d'énergie qui risquent de provoquer des désordres et des déséquilibres dans le bâtiment parce qu'ils sont mal conduits. Et nous, on va se prendre des éponges, on va devoir éponger des problèmes avant la fin des décennales, et donc, on a des assureurs qui sont également impliqués dans notre tour de table. Et ils nous rendent évidemment très sensibles à cette dimension, plus la dimension sanitaire, en disant, c'est bien beau de mettre les gens dans des bouteilles thermos, hein, si on fait de l'étanchéité. Si la ventilation n'est pas correctement réalisée, ça va se traduire en problème sanitaire. Et nous, ça nous préoccupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se limite pas seulement aux économies d'énergie, mais également aux mesures de la qualité de l'air permanente, hein, mesures temps réel, de façon à ce que les ventilations soient correctement assurées en fonction du nombre de personnes et de la configuration des logements. Les gestionnaires de subventions, c'est pareil, ils pourraient bien améliorer la gestion de leur subvention, sachant que les aléas des budgets, les aléas des ils ont du mal à planifier et ils ont du mal à compter sur un budget stable. Donc, effectivement, s'ils peuvent compter sur un fonds de roulement qui va leur permettre de pallier ces aléas, ils sont preneurs. Et donc, on les aide, effectivement, à être plus performants en matière de planification et de gestion des aides. Et également, par exemple, on a pu découvrir des travailleurs frontaliers, par exemple, qui n'ont pas de revenus en France, bénéficient du maximum d'aides. Donc, il y a des vides juridiques qu'on découvre, justement, au fur et à mesure du travail qu'on fait avec eux et de ce rôle qu'on joue, je dirais, à l'intersection de toutes ces personnes. Voilà.